ce bouquin par Dieu lui-même dessiné. Ses lèvres pulpeuses qui me donnent des idées. Elle a cette peau légèrement satinée. Ses formes généreuses qui me font saliver. Elle est vraiment une girl pourtant attentionnée. Une femme idéale, une amante passionnée. C'est vrai qu'elle est belle, on dirait une poupée. Elle n'apprend pas pour une conne, pour une cervelée. Ma voix bébé. Que je ne désire encore. Bella, Bella, tout m'avoir l'aider. Bella, Bella, tout est bien plus que je ne désire encore. Bella, Bella, tout plus sexy qu'il y a, t'es beaucoup porté. Si qu'elle pas soulu, c'est un ou qu'est tombé. Pas ni bilouski, mais faut pas vous faire chier. Si ouvrez pas, si vous l'emmêlez, mais mauvais. Si tout va y calé, il pas ni temps pour jouer. Toujours capoté comme pour rêver réaliser. Il pas matérialiser, si veut sincérité. Si vous venez pour tout que les amis ou que tracé. Ma voix l'aider. Bella, Bella, tout est bien plus que je ne désire encore. Bella, Bella, tout. Ma voix l'aider. Bella, Bella, tout est bien plus que je ne désire encore. Pas besoin si vous comme un Janine.